De l'abbé Maurice Bélière à Thérèse, 28 novembre 1896. Langrune, samedi. Ma bonne petite sœur, le maître m'envoie une rude épreuve, comme il fait à ceux qu'il aime, et je suis bien faible. Il va m'envoyer sans doute, dans quelques jours, au séminaire des missions africaines. Missionnaire d'Afrique ou Père Blanc, mon désir va se trouver enfin réalisé, mais j'ai bien à lutter, j'ai à briser de chères et grandes affections, des habitudes de bien-être douces et chères aussi, tout un passé riant et heureux, qui me sollicite encore vivement. J'ai besoin de force, ma bien chère sœur, demandez à Dieu qu'il me donne avec la pleine lumière la vertu d'effort, la belle abnégation, et le zèle de sa gloire, avec l'humilité qui est la base de la sainteté. Le missionnaire doit être un saint, et je ne le suis pas. J'ai quitté le grand séminaire. Peut-être vais-je y rentrer pour 6 mois encore, peut-être aussi vais-je partir dans quelques jours. J'attends une dernière décision, ma chère sœur, puisque vous êtes mon bon ange, je me confie à vos prières de nouveau. Toujours l'épreuve doit être décisive et j'ai besoin de toute la grâce de Dieu, sitôt que la voie sera ouverte. Je vous le ferai savoir, en ce moment, je me repose et j'attends dans ma famille, à Langrune, Calvados. Votre lettre, ma sœur, du mois dernier m'a encouragé et fait du bien. Si votre charité vous inspire de m'écrire encore, ce me sera une grande consolation et une force de plus. Dans le cœur de Jésus, demeurons unis, ma bien chère sœur, par la charité, l'apostolat et la souffrance, votre misérable frère tout reconnaissant et tout dévoué, Maurice Barthélemy Bélière aspirant missionnaire. Priez pour ma pauvre mère aussi. Marc Emdan, archive.org. D'après Archives Carmel de Lisieux.fr. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.